Voilà, on est de nouveau de retour sur Metanoia, on a une petite coupure. Voilà, on est donc on attend Didi qui va lancer son flow. Voilà, on, si normalement on a après, casque. Je mettrai les musiques à mon oncle. Vas-y Didi, on t'écoute. On entend l'instru. On entend pas l'instru. Attends, tu envoies l'instru là, tu l'envoies? Ah ouais, je peux même pas regarder les paroles et l'instru. Parce que c'est sur YouTube. Bah, il faut être. Tu l'inventes. Moi, je fais pas aller sur Google. Fais-toi tes paroles. Vas-y, vas-y. Ah, c'est à vous pas les paroles, c'est même pas à toi. Bah, dis donc. T'es fort. Non, mais le son, c'est. Ouais, mais vas-y, si vas-y, les paroles de Booba, on t'es pas fort, mon gars. C'est toi-même qui dois faire les paroles. Non, frérot, arrête de dire. Alors, ok, qui va? Quand t'as les paroles des autres, il faut pas faire les paroles des autres, il faut faire tes paroles à toi. Là, tu peux être fort. Bon, qui prend le relais? Tu voulais dire quoi, Tony? J'aime pas la musique française. Attends, on va écouter Didi après. Moi, j'écoute toi. Que des trucs américains et colombiens. On entend l'instru? Ouais. T'entends, toi? Plus, là. Ah, plus, moi, mais c'est pas lui, les paroles, ça va. Bah, c'est pas grave, laisse qu'il va chanter un truc. C'est quoi, le truc? Il doit faire ses paroles à lui, là. Je vais faire de l'impro. En même temps, je vais dire les sons de Booba en même temps. Comme une étoile. Ok. Ça marche pas. Pas mon tour. Je coupe et je le sais. Je veux juste briller comme une étoile. J'ai toujours dû su me débrouiller. La vie n'est qu'une escale. Attends. On va mettre le son en vrai. Booba, j'ai jamais aimé. Didi et Booba ensemble. Je veux juste briller comme une étoile. J'ai toujours dû su me débrouiller. La vie n'est qu'une escale. Et si je dois plier, c'est sur l'impact des balles. Mais tu ne m'entendras pas crier. Margez mon gilet pare-balles. Enculé, je serai rapatrié. Enterré au Sénégal, pour fin je pourrais trouver le calme. Je serai seul comme une étoile. Comme une étoile, j'ai toujours parole depuis longtemps. Mais tu me vois toujours briller, toujours scintiller. J'ai pris les petits sentiers, quitté le sentier. Obscène, obscène, africain comme un entier. Libéré de mes entraves, me venger comme un roi. J'ai couru comme un esclave pour marcher comme un roi. Malheureusement, je n'ai pas su marcher très droit. J'ai gardé mon automatique et mes amis près de moi. Que la tour est belle, elle est plus belle vue de là-haut. Quand je chantais moi là. Quand il est dead sur le carreau. J'éclaire sur les parois. Sur ses notes de piano. Tu ralentis Chano. Aigle royal, dernier voyage. Rends-moi hommage, c'est tout ce que je mérite. Trouve pas ça dommage, ni soumise. C'est sale connasse. Prends le sale, dans le sang. Peu importe ce que Sarko fasse. 92 sur sarcophage. Piano m'endort, Terminator est mon mentor. Récupérer mon or, j'en rêve encore. Je veux juste briller comme une étoile. J'ai toujours dû su me débrouiller. La vie n'est qu'une escale. Et si je dois plier, c'est sous l'impact des balles. Mais tu ne m'entendras pas crier. Car j'ai mon gilet pare-balles. Enculé, je serai rapatrié. Enterré au Sénégal. Enfin, je pourrai trouver le calme. Je serai seul comme une étoile. On ne m'entendra plus. On ne me verra plus. Vers les nuages, tu verras voler ma plume. Fais deux os sur ma 8 zone. Elle en mis quelque chose. On contrôle la zone. Et si tu ne fais pas face à ces négros, ouais. Ça plongera dans mon dos. Tu crois que je vais mal, que je ne dors plus. Tu voudrais sécher mes larmes, mais il y a bien longtemps que je ne pleure plus. Messieurs et mesdames. Pas ça. Dedans Tu peux laisser ma musique, s'il te plaît? Ouais, super. Superbe. Oui, tu peux aller. Tu peux, c'est excellent, c'est Didi. Après, tu peux mettre autre chose. Faut que tu. On va connecter, il faut que tu prêtes toi la musique sur ton téléphone. Attends, mets-toi ça. J'ai même pas fait le freestyle, tout le monde a fait. Moi, c'est quoi, c'est un iPhone ou pas? Non. Je travaille, moi. Ah, non, pas ça, tiens. Moi, dans ce moment-là, je travaille. Mais comment on va ici dans le freestyle? Attends, mais tire pas, parce que sinon ça va tirer. Bah, tu t'approches. Voilà, parce que sinon ça va partir. Attends, il faut. Ouais. Attends, on a de la place pour tout le monde. Allez-y. Alors, c'est Ringo. Vas-y, Ringo, t'attends, Ringo, tu peux y aller. T'as dit quoi? C'est pour ils sont allés. Qui ça? Tu vas comprendre direct, mon gars. Voilà, et maintenant on revient sur Ringo qui va mettre un peu de musique, il va chanter aussi. On a beaucoup de chansons aujourd'hui. Et on est dans une tonalité d'apaisement. Vous avez pas de mélodie là? Non, vas-y, mets-toi un truc. Attendez, on t'entend. Pendant, on va écouter autre chose. Non, si tu veux, on peut mettre chose si tu veux. Mais comme tu le sens. Mamacita, very nice to meet ya. See you is Alita. Can I take you deeper? Oh, you give me fever. I'm in Sao Paulo with me and my friend. She's a 10, eyes a 10. Shut down the city, won't see us again. I'm the realest, I can't Little Sims. My money, I know fever. But I apologize if I offend. Sem esperato, sempre pronta pra chegar. Eles me veem no palco. Eles sabem que eu deixo. International Simbi, de Londres a São Paulo. Onde quer que eu vá, eu faço da cidade um bem legal. He say, mamacita, very nice to meet ya. See you is a leader. Can I take you deeper? Or you give me fever? I'm out in Rio with me and my dogs. Test driving all of these different cars. Don't need to say, you know who we are. Can you believe that we made it this far? Still the same me that I've been from the start. Know what I bring, I've been playing my part. Ok, on est de retour sur Metanoia. Et pendant que Ringo, tu peux prendre le micro parce que comme ça on entend. Sinon là, Ringo, tu es prêt? Laisse tomber. Attendez, laissez-moi écouter la musique. Voilà, vas-y, tu peux. Mais écoute-le d'abord et après tu mets ça. Écoute-le d'abord. Et, qu'est-ce que tu penses? Tu peux nous exprimer au micro ton qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu es pas content aujourd'hui? J'ai l'impression. Non, tu n'es pas encore. Tu vas passer? Vas-y, c'est ton tour pendant que Ringo. Okay. Bah ça y est. Je viens de travailler et voilà. J'ai pas chargé. J'ai pas mon chargeur sur moi. Je suis parti au foyer jusqu'au foyer. Ouais. Après j'ai pris ma bouteille d'eau parce que j'avais pas de bouteille. Ouais, il fait chaud aussi. Pour ça on est un peu lourd quoi. Ouais. Mais là tu passes quand tu veux, tu as la place là. Tu veux faire quoi? Je fais maintenant parce qu'après je pars. Comment demain je peux pas. Ok, donc on va écouter Ringo. Tu es prêt Ringo? On va écouter, on va. Ringo n'est pas encore prêt, donc tu peux y aller, vas-y. Tu veux. Ouais, s'il te plaît, ouais. Vas-y. Tu veux mettre quoi? De la musique? Vas-y, tu veux quoi? Vas-y, maman, s'il te plaît. Tu as quoi? Tu as un pour connecter? Putain, il m'énerve, il y a des gens qui sait qu'il porte l'œil, ça va. Attends, il faut que tu mettes un. Comment dire? Un truc pour. Tiens, tu mets ça. Eh, ouais. Hey, mais t'arrêtes! Donc, okay. On est aujourd'hui, on est avec la chaleur, on est un peu. Au ralenti. Hey, moi, j'entends rien, là. J'entends rien. Mais prépare d'abord. Quand tu sois prêt, tu l'envoies. Si tu attends. Là, vas-y. Là. Non. Attends. Là, c'est bon. Oui. Attends. Ça, c'est mon câble ou le tien? Non, c'est le mien. Mais tu veux faire quoi? Il n'y a pas de place. Donc, oui. OK. Quand on sera prêt d'une, on t'entend, là, si tu veux parler. Attends, j'entends rien. Attends. On m'entend pas? Si, t'entends, tu t'entends pas? Non. Ton casque, il est quel numéro? Vas-y, tu t'entends là? Je crois. Oui, là, je m'entends. Là, tu t'entends, ouais. Ok, vas-y, Dieu, on t'entend. Il y en a qui sont dispersés là. Ouais, tout le monde est un peu dispersé aujourd'hui. Il faut s'installer un peu. Vas-y, Dieu, on t'écoute. Pendant que Ringo prépare, tranquille, quand tu sois prêt, prends ton temps. Quand tu es prêt, on va passer. Non, après, on va faire. Mais comment je vais faire? Ils vont chanter avec. Mais tu n'as pas un son derrière là pour chanter? Bon, prépare un truc, après on y va. Chacun veut bien faire sa chanson fétiche. Sauf si je chante avec eux. Ok, ok. Sauf si je chante avec eux, non? Oui, tu peux chanter avec eux, vas-y. Est-ce que je peux chanter avec eux? Moi, je suis bourré de. Moi je bosse à l'hôpital. Mets les câbles. T'as ramené l'énergie. Là, tu bosses, il y a trois dégâts. Attends. Ah, mais attendez, je parle en premier. Et voici Ringo, il va commencer. Attendez, je vais faire stop déjà. Je vais chanter toutes les musiques là que vous allez écouter là. Jusqu'à maintenant que je chante, c'est à mon oncle. Je dois faire dans quelques temps avec lui des trucs. Mais malheureusement, je peux pas faire en ce moment parce qu'il est stressé. Mais ça, toutes les musiques là que vous écoutez de Tupac là qui fait toutes ces musiques à lui, c'est lui qui les fait. De Biggie, Eminem et tout ça. Et là, je vais chanter là. Avec eux parce que j'ai pas la mélodie, je vais chanter avec eux. Maintenant écoutez ça. Yeah. I know sometimes. Always makes sense to you right now. But hey. Oh. Stiffen up that up a bit. Bam bam bam bam bam. That I never had. I can see it in your eyes. Bam bam bam bam. Bam bam bam bam. Dis-moi soit quoi qu'il veut, soit quoi qu'il veut. Mais dis-moi pas l'amour, retarde pas l'amour. Moro ilona, soit l'idilona, soit ilo. De tunorara, mero va vipe. Mais il clava de tunorara, October, chego, mero va vipe, mero va vipe. Menastiva, menastiva, vise, cagliate, ma givinava, peca, sueto, cagia. Me sentil, tanto loco, pa mi cabeza que fete loco. 8 años, que me saliendo, que me sufriendo. Pa mi padre, pa mi madre, que no le conocía mi padre. 45 años, no puedo, le míralo, no puedo mío más. Me sentiendo tanto yo. No puedo mío más, sufrirlo, verdad yo. Todos días saliendo. 8 años, me vede, sufrelo todos días, me estresan saliendo. Caminando como vagabundo. Mi corazón se rompe y yo van, míralo, mi padre, mi madre que me vede, sufrelo. Que no puedo mío más sufrelo, llorar pa mi vida, como Luba, quítalo pa mi cabeza y también con balao. Todos días pa mi cabeza vede loco. Caminando, que me soy tanto loco. No puedo mío más sufrelo. Todos días sabes, señor, como me llevo. Údame, señor, que no puedo mío más sufrelo. Corazón, me rompelo, que van a pasarlo. No puedo mío más sufrelo, saliendo pa mi cabeza. Saliendo pa' mi casa. Que no puedo mío más mirarlo. Como me pegalo, mi padre yo. No puedo. Bam bam bam bam. Bum ba dum ba dum ba. Dans ton tillet, bébé, des souffles, l'oignon. Tabilla, tabilla, tabilla, tabilla, como me señor me lleva. Júntame, señor, júntame. Que no puedo, que no puedo, sufrirlo para este mundo. Yo sabía, yo sabía, para este mundo. Lo lleva, señor, aquí por eso sufrirlo. Todos días me roba vivere, todos me roba vivere, spacco chi ve, spacco chi ve. Me pira ma che corco roca, ne mata toro, che ne mata toro, spacco chi ve. Nati batte chi ti mambo, gotas musite che mochina, la ma peccato, peccato, suetto. Menativa, menativa, menativa, callate ma ci pinava, peccato, suetto. Spacco chi ve, spacco chi ve, sacco sopra il cincatella. Meglio fa per nulla, bevo olico, pano olico. Sta roba scende la cartella, cartella, cartella. Mena stiva dice casi a te ma ci pinava canna di cava. Siamo gride moro calmoci la mai clava ottobre cengo. Roba vipe, roba vipe, pecca suetto. Pira maghe corco roca ne ma da toro. Pira maghe tebla cazzi in tebla cioro. Ando tomo, ando tomo, ando tomo mangio i clè. Pecca suetto, pecca suetto. Corco ripe me pesciava. Spacco chi ve, spacco chi ve, spacco chi ve. Me roba vipe, me roba vipe. Pecca suetto, pecca suetto, pecca suetto. Me ne stiva dice cazzi a te ma ci pinava. Pecca suetto che il giappolosco. Tadu calma, spacco lumia. Mucina la pe, mucina la pe, mucina la pe. Pecca suetto, pecca suetto. Me ne stiva dice cazzi. Daddy's still here. Tema jibinava, tema jibinava, tema jibinava. Pekka tetto kaja te jibina. Sva kiki bende da papi bende. Leke vide bulun mani tege. Moi je souffre mais les gens souffrent. Car je pense en ce monde là et pas va avec je. Ça me fait mal pour l'humanité. Je souffre avec eux quand je vois la politique. À cause de mon souffrance de l'humanité. Mais faut prier à Dieu pour pas tenter le mal. Car ça me fait mal. Oui, bravo, bravo Gingo. Super, super. Super, hein, c'est bien la voix que tu as. Tu, oui, maintenant c'est toi, tu peux te connecter. Oh, on est là, oui, on travaille tous, on est là. Ringo, tu as une voix entre, entre chanteur d'opéra, des, tu vois, des trucs très puissants. Merci. Ouais, et puis voilà, qui t'emporte et c'est bien. Voilà, aujourd'hui c'est une spéciale musique. On va tous chanter, on est en train de faire de la paix, apaiser le monde. Dune, on a besoin de toi. Oui. Tu peux nous envoyer notre capsule de paix pendant que notre ami connecte son, sa musique. Voilà, voilà. Moi je ne copie pas les textes, c'est moi. Honneur à cette femme-là parce qu'elle parle bien. Ouais, Dune. Honneur à toi. Vas-y Dune, on t'entend. Honneur à toutes les femmes. Honneur aux femmes, ouais. On aura toutes les phrases. Ces phrases là, je les copie pas sur moi, moi j'ai fait moi-même mes phrases, tu vois. D'ailleurs, j'ai fait une manif. Bah, ouais, je sais pas laquelle copier, frérot, je fais mes phrases à moi-même. Féministe, hein, mais j'ai pas le droit de parler de ça. Si tu peux, bah, hein, si on peut. Gens, hein. Je fais toutes mes phrases à moi, frérot. S'il y a pas, il y a pas de censure ici, ça va. Une manif contre l'extrême droite et justement une manif féministe parce que justement les droits des femmes sont attaqués fortement. Oui. Les gens... C'était très sympa, il y avait beaucoup de monde, il faisait très beau, il y avait une belle ambiance. Alors il y en a un là qui est... Ouais, c'est les chaleurs. Hein, ils sont un peu speed, un peu excités, énervés, agacés. C'est pour ça qu'il faut, il faut amener un peu de capsule de paix pour que le monde soit un peu... On va lui donner là. Tu es prêt? C'est bon? Voilà, tu prends un micro, prends, micro, prends un casque. Fais-toi plaisir. Voilà, prends un plaisir. Donne-nous de la positivité. Ah, tu t'es présent, hein. T'es présent toi-même, comme ça. C'est une musique à nous, non? Hey, hey, hey. Ouais, je suis posé ici, on est toujours là à Bondy. Posé dans la zone, Bondy Nord, Bondy Sud. On est ici, c'est Montreuil, sous bois. Montreuil, MTR, Doudou, on n'est pas là. Mais c'est pas grave, bitch, casse ton gars. Remets, je suis perdu. Vas-y, refais, Je suis perdu, là. Hey, hey, hey. On va aller qui se me taire. Ça va bien ou quoi? J'ai rigolé. Ouais, hey, hey, hey. Ouais, MTR. Montreuil sous bois, 93-100. Je suis né à Montreuil sous bois, 100% Montreuil. Montreuil sous bois pur, 93-100. T'as le son de Montreuil. Quand tu viens à Montreuil, t'es posé avec les gens. Toujours t'es ici, t'es né à Montreuil. Toujours c'est Montreuil. Montreuil sous bois, MTR, 93-100. Avec Doudou. On monte dans la chop, on est parti sur Panam avec mon pote Doudou. On est posé dans 9-3, 7-5. Posé ici dans le bat. Posé ici dans le bat avec Doudou, avec sa grosse gamos. On est posé ici. Ouais. Doudou. Doudou, c'est le rap de boss. Il faut pas copier les paroles de Booba. Booba, c'est pas un rappeur. Tupac, c'est un rappeur. Mais Booba, c'est pas un rappeur. Booba, il clash, il fait des buzz. C'est pas un humain. C'est un extraterrestre. Et Booba, il piquit. Ouais. Il a dit Booba c'est pas un rappeur. Ouais. Tupac c'est un rappeur mais c'est connu aux États-Unis. Booba c'est pas connu à Miami. Booba est un rappeur. Tu claches tout le monde quand je te vois, quand je te vois. Danse pour moi bébé toute la nuit, toute la nuit. Colle-toi comme un aimant, te détache pas de moi. Allez, vas-y, continue. Tu peux continuer. Attends, un appel téléphonique. Tu peux répondre au téléphone si tu veux. C'est un problème parce que j'ai des Booba. Tu veux. Ouais. Ouais. Booba, t'éclates au sol, mais t'es pas un rappeur. Tu fais des clashs aux gens. Tupac, c'est un rappeur, mais son statut est venu. Le statut est venu. Booba, pas statut liberté, mais il est éclaté au sol. Si elle chema, si il écoute, ça va partir. Ouais. Attends, reviens. Bah, vas-y, c'est ouvert, hein. Tu continues. Je m'excuse de te dire, mais tu dois apprendre encore la musique. Ouais, Booba, tu caches tout le monde, mais t'es pas un humain, t'es un. T'es un extraterrestre, mais Booba, t'es pas un humain. Biggie, Tupac, sa statue est née aux États-Unis. Voir ça, Tupac. Booba, tu claques tes jambes, mais t'as pas honte ou quoi, mon gars? T'es un extraterrestre, mon gars, on va t'écraser au sol, mon gars. Ouais, Booba, Tupac, c'est pas un meilleur rappeur, mais Booba, c'est pas un rappeur, c'est éclaté au sol, mais Tupac, il est toujours là. Le connu aux États-Unis, mais Booba t'es pas connu, t'es à Miami, mais t'es éclaté au sol mon gars, tu sais pas chanter, tu caches tes gens. Ouais, Tupac. Avec la croix que t'es un croyant, mais t'es Dieu, mais là, Dieu te protège, Tupac, mais là, Booba t'es éclaté au sol, mais t'es pas un humain. Quand je te dis Booba, dessine mes Booba quand t'as rien, quand t'es petit. Ouais. Dans ma vie, j'ai souffert, c'est dur comme tu fais. Alors je peux rien y faire. Ouais, bravo, c'est bien. C'était super. Bien. Attends, je récupère le. Respect à mon enfant, faut respecter la famille, les amis. Braquage, je passe du vol au braquage, la délinquance, ça balance. Ouais, comme tu veux. Dune, tu veux dire quoi? Je pense qu'à travers les chants qu'il y a eu, les raps, là, il y a eu des réponses données, des clashs entre Booba et Mister, je sais les, pas quoi. Les gens qui aiment Booba et les autres qui parce qu'ils n'aiment pas. Ouais. Faut partir rapide. Hey, salut Magali. Moi, si je suis forte, c'est pourquoi? Parce que je fais beaucoup sur Biggie. Toutes les musiques là que t'as vu là, c'est un mot. Ouais. Eh, comme chez attends. Alors Dune, qu'est-ce que tu penses? Il y a Magali qui vient d'arriver. Les autres sont tous assommés par la chaleur. Personne ne veut parler là. Ou alors, c'est pas qu'il ne veut pas parler, c'est qu'en fait, il parle à côté. Il parle à côté. Il parle à côté. Il faut mettre un peu plus de franche. Il faut mettre une chanson pendant que Magali arrive. Magali s'installe. Ouais, Magali s'installe. Écoutez un peu. Les anciens, ils sont plus forts que les jeunes d'aujourd'hui. On va mettre un peu Mad Professor, Covid Lucien Dave. Yes. Pour la chaleur. Rastafari. Rastafari. Yeah, yeah. Profitez. time. Tony, des retours. Vas-y, Tony. Mais est-ce que t'as vu qu'est-ce qu'il a fait là ? Quoi ? C'est quoi ça ? Ah voilà, c'est Larsen. Vas-y, Tony, on t'écoute. Si Ringo nous laisse écouter, parce que Ringo. Mets-toi ton casque. Voilà. On t'écoute, Tony. Bonjour, Tony. Bonjour, je me présente, je m'appelle Tony. Oui. J'aimerais te signer en maison de disque car je sais bien rapper. Oui. Chez Rex 118. Oui. Car je sais que c'est quelqu'un qui connaît qui a la voix. Moi je sais que Takrim a jamais existé. Qui a jamais existé, tu penses? Il a existé, mais oui, dans ta tête. Dans ma tête, il a chanté toutes mes paroles. Ah oui. Comme Jericho, comme ensuite on fait pas ça. Oui. Et tu peux, est-ce que tu peux chanter un peu les chansons que tu as dans ta tête? Moi j'ai, on fait pas ça. On fait pas ça, c'est-à-dire? C'est un titre de Lacrim. Vas-y, tu peux chanter un peu? Va falloir assumer, c'est pour de vrai. T'as ouvert ta bouche, tu plaides, c'est pour de vrai. Faut juger l'instru un petit peu. Allô? C'est pas ça, non, ça c'est trop. Tu veux quoi comme musique? Dans la dernière, je sais pas, dans la dernière, il n'y a pas un petit feat à faire? Non, dans l'été, on est en train d'écouter un peu de dab, mais attends, je veux mettre un truc, tu veux un truc style rap, quoi, c'est ça? Ouais, style rap un peu. On va t'essayer de trouver un truc. Je sais pas si tu aimes ça, mais je le connais pas. Attends. Un chanteur visualisé. Il y a Magali qui vient d'arriver et qui nous amène une colonne bien faite comme il faut, bien préparée. Vas-y, Tony, t'écoute. Bitch, ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien. Moi, j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les mentis, c'est que Jacques n'a pas vu la vie au travers de tout. On peut mettre du Orelsan où il fait les petits pantins. Je connais pas, ça veut dire. Il est dans le bus, Big Flo et Oli. C'est qui ça? Bifle Oli, où ils sont dans le bus, c'est beau, elle est belle cette musique. Je connais pas. Si tu me dis le titre, je peux essayer de la trouver, mais sinon. C'est où ils sont dans le bus. J'allais pas le jeter, tu vois. Vous voyez pas, je connais pas. Comment il s'appelle quel groupe? Oui, c'est où ils sont dans le bus, c'est quel titre? Bifle, B.I.G. et Oli. La nuit on rêve de l'Italie, l'Italie en mangeant un risotto. Oui, ils sont dans le bus. Illusion, je me réveille sur un risotto. Je sais pas les gars. J'ai de nouveaux trous dans la peau. Tu sais c'est pas nouveau. J'ai besoin d'un nouveau cœur. Cupid on passe dans ce mi-auto. Cet enfoiré m'a flingué en plein cœur. Les impacts de balles ont formé un logo. Allô maman, j'ai beau. Oh. J'ai trop mal au dos. J'aurais dû coffrer, elle veut la maison. L'hiver arrive, c'est bientôt la saison. Je suis plus dans la queue trop, je fais plus de livraison. Les bouches maison. Je reste direct les clés de la maison. Je veux rentrer à la maison sans reliquer. Ça va être impossible car je n'ai pas les clés de ma maison. En direct de Villevra, entre soignant et soigné. Je suis libérable. Un jour je finirai costaud. Avec des abdos et aucune balle dans le dos. C'est tout, c'est du calme, moi j'aime le calme. Et quand est-ce que tu seras libéré puisque tu... Moi je suis en soins libres. Ah bah c'est bien, c'est bien. C'est quoi les soins libres? Tu peux expliquer aux auditeurs de la radio qu'est-ce que c'est le soin libre? Le soin libre, ça veut dire qu'on est guéri et... On est guéri et on vient librement. Et on est sur le bon chemin. Et on est sur le bon chemin, mais ils veulent pas me laisser de perme depuis je sais pas combien de temps. Ouais. Et ça me rend triste parce que mon père il est malade. Ouais. Et j'aimerais être auprès de lui. Moi aussi, ma maman elle est malade, j'aimerais bien. Ouais. Mais si tu es en soins libres, ça veut dire que tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux, c'est ça hein? Ouais, mais moi je veux mon pilulier au cas où si ça va pas. Ouais, mais tu l'auras. Moi je sais, l'abdote ça me l'a fait, moi j'ai plus de voix, j'ai plus rien. Oui, attends. De quoi vous vouliez parler aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler d'une seule voix parce que sinon on ne s'entend pas. Vas-y Tony, tu peux continuer, après c'est Magali qui va parler. Vas-y Tony, continue. Je continue, je m'appelle Obel Tony, j'aimerais signer en maison de disque et je peux préparer un album qui sortira le 13 novembre, le jour de mon anniversaire. Ouais. Donc tu as encore 4 mois, 5 mois. 4 mois, 5 mois, j'ai juste ça pour préparer et je peux le faire tout seul. Et quelle musique tu vas mettre dedans? Une mixtape. De 6-7 morceaux. Ok. Un EP Un petit EP ou même un album complet, je pourrais préparer. Mais c'est une super. Tous les rappeurs me les ont pris, mes titres. Ok. Tu as quoi comme titre? Écoutez, Adolf. Ok. Après, vas-y, chante. Merci, Isabelle. J'avais OPJ, la présentation un peu comme Niax. Ouais. OPJ, j'avais marqué le premier titre avec Obel, Tony et machin. Ouais. Après le deuxième titre, c'était. En fait, ils ont tous rappé ma vie. Ouais. Depuis 2017, ils racontent ma vie. La plupart des chanteurs, ils racontent ma vie. Après, j'ai des ennemis aussi. Ouais. Donc, tu vas raconter ta vie? Moi, je vais raconter ma vie. Tu vas dire quoi sur ta vie? Sur ma vie, comme quoi je me suis mangé plein de douilles. Comme quoi, il y a des gens, ils ont voulu me couiller. Plein de choses. Ouais. Mais il y a des choses bonnes aussi qui sont arrivées, des choses bien. Comme lui qui rigole là-bas et il m'a déjà mis une douille. Ouais, ok. Mais c'est pas grave, on va se livrer. Moi je peux signer pour même si une pièce symbolique, je signe. Je sais que mes enfants feront des... Comment il va s'appeler ton disque? Mon disque? La renaissance de Tony. Ah, super. Moi, aujourd'hui, je voulais faire une brève un petit peu différente, une brève cosmétique un peu bio, fun. Et donc, je me disais, avec une musique un peu calme, peut-être une musique promotionnelle, peut-être, je sais pas si on a sur YouTube. Eh ouais, mon gars. Mais là, pour l'instant... La crime, c'est qui en visualise? On peut mettre... Parce que c'est moi, je peux l'écouter. On peut chercher. Il y a marqué, c'est qui? Et ça le toucherait justement parce qu'il passe pas sur... On peut chercher une musique de pub sur... Attends, on va... Qu'est-ce que tu veux comme musique Le soin noir parfum Givenchy, voir s'il y a la musique. Sur... Attends, on va voir si on trouve, mais tu n'es pas sûr. Hein, mais je peux te mettre un truc. Attends. Il y a plein de visualisés. Et les gens, quelquefois, ils font... Tony... tu as un titre, Magali? Ils sont sortis le jour où... Ils sont sortis le jour où j'ai mis mon album. J'ai mis sur Instagram. Si on met le soin noir parfum Givenchy, si on aime d'avoir la leçon. Je sais pas, on va trouver la son de le parfum de Givenchy. Je crois pas qu'on va le trouver ça facilement, mais sinon tu peux... Non, on trouve pas, mais c'est pas grave. Tu vas mettre un autre... Enfin bon, je peux vous en parler maintenant alors. Ouais, je sais. Oui, vas-y. Alors, spécialiste du masque en tissu, Petite Amie Skincare propose une gamme de masques avec des packagings ornés d'emojis fun et de dessins très pédagogiques. On fait pas ça. L'émoticône de chaque masque permet de savoir quels seront les bénéfices pour la peau dès son utilisation. Par exemple, le masque orné d'un emoji représentant un visage tout rouge et en colère signifie que la personne vient de prendre un coup de soleil et que son masque Petite Amie contient des actifs pour calmer la peau après le soleil. Dans la collection, chaque masque correspond au visuel du smiley. Avec Petite Amie Skincare, les émoticônes quittent les claviers de vos téléphones portables et ces masques révolutionnaires vous permettent de vous exprimer et de traiter votre peau en même temps. Une routine de soins sans souci et instantanée. Alors il y a le Happy Mask, le Chilling Mask et le Love Mask. Chacun a un objectif, hydratant supérieur, hydratant naturel, revitalisant. Ils sont imbibés d'un sérum, on laisse poser 10 minutes et on fait pénétrer le reste en massant le visage. Ça hydrate instantanément la peau, ça la dynamise. Les actifs sont les aminoacides de lupin. Et le hyaluronate de sodium est une molécule bien plus petite que l'acide hyaluronique et ça pénètre plus vite. Et les acides dérivés de lupin sont d'origine végétale et maintiennent la peau en bon état. Sinon, il y a des masques avec des lunettes noires de soleil. C'est un masque d'origine végétale pour calmer la peau et la réparer et lui donner une meilleure hydratation. Il y a de la vitamine B3, du champignon Matsukase et de la fleur de Matricaria. Et sinon, il y a le Love Mask avec des yeux en forme de cœur. C'est pour revitaliser la peau. Il y a des peptides pour augmenter et stimuler la production de collagène, pour donner de l'élasticité. Il y a un sucre végétal pour capter et retenir l'eau. Il y a des algues antioxydantes pour nourrir et protéger la peau et apporter souplesse et fermeté. Il existe aussi deux autres collections, les masques classiques et les masques mint. En tout cas, il y a une vingtaine de masques différents pour couvrir tous les besoins de la peau, la régénérer, l'équilibrer, et les rafraîchir, la rafraîchir. Il existe deux masques pour les yeux, Lolita et Bob, un masque Audrey pour contrer les signes de l'âge et un Skin Perfection qui ont des packagings tous très colorés et très kawaii, c'est-à-dire très mignons, avec un assortiment de mini tatouages très mode en application locale pour venir à bout des problèmes de peau ou pour hydrater avec des émojis type licorne, étoile, etc. pour vaincre les impuretés. C'est pour dédramatiser les problèmes de peau en s'amusant. Voilà, les masques sont vendus 7 euros et c'est des collections qui pourraient aussi décorer vos vestes en jean préférées. Voilà, c'était juste pour cette semaine faire une petite parenthèse un peu fille et puis un peu soin en général, soin de la peau, parce que les garçons aussi, des fois, ils aiment bien quand même utiliser un savon d'Alep ou un savon à l'huile d'olive et prendre un peu soin d'eux. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir. Merci Magali. C'était bien. Ta chronique, tu l'appelles comment? Tu la chronique de soins? Comment tu peux rappeler ta chronique? Ah, c'était une petite chronique cosméto. Cosmique cosmétique. Cosmique cosméto. Cosmique cosmétique. Attends, Tony, attends, t'attends pas. Vas-y, Tony. La dame, si elle se rappelle bien, elle est déjà venue chez elle est déjà rentrée à la maison. Oui, Magali. Ouais. Oui, elle est déjà venue à la maison. Ouais. Magali, c'est vrai, elle fait cosmétique. Et là, on va écouter un peu du Coran parce qu'il y a trop de. Adolfo, elle est Ward ou John Smith. Adolfo de la crème. En fait, ils ont sorti à deux gâteaux. Il n'y a même pas de mots le jour où j'ai eu ma perme. Ils ont sorti le jour où j'ai eu ma perme. Ok. Et il y a même Big Zaza, il a sorti un album. J'ai mis un peu de verre du Coran. Vous savez, c'est quoi ça? C'est du soufisme. Ouais. C'est du soufisme, en fait, c'est des incantations, de répétitions, ouais. Du nom du prophète. Pourquoi vous avez mis ça? Parce que j'aime bien le son. Je comprends pas ce qu'ils disent, mais j'aime bien le son. C'est la musique de rôle de Fidam. Au Sénégal, on n'entend que ça le soir. Ouais. Mais chanter d'une autre façon, d'une autre manière. Ouais. Comment ça? Tu pourrais la chanter, toi? Non. Non, je pourrais pas, mais c'est tellement beau. Faut que tu mettes le casque, Pedro, sinon tu n'entends pas. Ouais. C'est tellement beau. Là, c'est plutôt du côté arabique. C'est des confréries religieuses. Des confréries religieuses qui se retrouvent en cercle et qui, en fait, reprennent et entonnent des louanges au prophète. Et ils répètent. Comment ? Attends, on n'attend pas. Non, c'est pas comme les derviches tournent. Oui, il y a un petit... Mais les derviches tourneurs, j'ai été à la maison du soufisme à Paris. Et leur branche, en tout cas des personnes qui étaient à la maison du soufisme, c'était une branche des derviches tourneurs. Ils ont plasmodié, répété des chants religieux. Et à ma grande surprise, parce que je m'attendais pas à ça, je cherchais en fait... le meilleur lieu pour moi par rapport à du soufisme. Et en fait, la personne, un vieux monsieur s'est levé, c'était incroyable. Et il a commencé à tourner, tout doucement, et plus vite. Et en fait, il était tellement embarqué dans sa spiritualité et dans les louanges et la spiritualité qu'il commençait à. C'était une toupie, quoi. Et il n'est pas tombé, même quand il s'est arrêté comme de tout son long. Et c'était incroyable, c'était très beau. Mais c'est comme ça qu'il arrive en transe, en mettant la main comme ça vers le haut. Et c'est comme ça qu'il touche le ciel. Mais c'est intéressant comme expérience. Ça, c'est un dicker. C'est une espèce de prière de louange divine, Sophie. Enregistrée par Jean Jenkins. Et comment ça se fait que vous écoutez ce genre de choses ? Bah, j'écoute plein de choses. J'aime bien écouter ce genre de choses. J'aime bien ça. Marrant. En tout cas, même si on ne comprend pas, les sonorités forcément ça touche. Ouais. Ça touche à un moment. Mais ça, c'est en Afrique noire. C'est une compilation qui s'appelle Music in the World of Islam. C'était fait par Jean Jenkins, des années 80, je crois. Bon, on est à 3 minutes, on a notre chroniqueur de gastrosophique là qui va parler. Oui, Mister Serra, ouais. Qui va nous parler de quoi ? Attends. Voilà. Que d'une chose, c'est de nourriture. Tout un programme. La philosophie de la nourriture. Tout un programme. De se nourrir. Se nourrir. Se nourrir. Spirituellement. Spirituellement. Physiquement et spirituellement. Ça donne envie. Ce qui rentre dans le corps. Avec l'été qui arrive. Par les oreilles, par le nez, par la bouche, etc. etc., etc. Gourmandise. Madame se nourrit d'autres choses. Elle pense à des choses nourrissantes. Voilà. C'est des ouf. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de la pastèque. Alors là, je me disais que justement, j'allais acheter une pastèque. Je sais pas si elle est... Parce que la pastèque, non seulement est un bonjour, mais un très très bon aliment, comme il est une très grande beauté. Ouais. Vous voyez, on se nourrit visuellement de la pastèque. Ces petites graines noires sont très jolies. Et je pense que, compte tenu de la chaleur, on peut dire faire de la poésie sur la pastèque, mais j'encourage les gens à manger de la pastèque. Parce que d'abord, le Maroc en ce moment produit beaucoup de pastèques, il faut écouler la marchandise quand même, n'est-ce pas ? Et c'est à un bon prix. Et c'est très hydratant, et c'est très antioxydant, et c'est très bon pour la santé. On ne vit pas que de grecs et de patates frites. Quelle horreur ! Hein ? On vit aussi de pastèques et de melons, s'il melon, vous plaît. Voilà. Ah, parce que le melon, il y a une le variété infinie. Le vert. Est-ce que vous connaissez le melon peau de crapaud, comme je l'appelle ? Non. C'est ce melon allongé, comme ça, un peu. Axolote. Voilà. C'est le melon allongé qui a la peau crépue, comme ça, qui est très, très bon, avec une chair verte. Et il y a des melons un peu arrondis aujourd'hui sur les marchés qui ont une coloration vert pâle. Ils sont comme un ballon, ils sont très bons, c'est une nouveauté, ils sont extrêmement sucrés. C'est bien frais comme la pastèque. Et ça coûte à 1,50€ le melon au marché de Bondy. Il fait presque 1 kg le melon, c'est imbattable comme prix. Donc je vous encourage à acheter les melons. et les pastèques. Toutes variétés, les pastèques et tout ce qui va avec. Et les pastèques, c'est vrai qu'il y a cette esthétique dès qu'on ouvre une pastèque en deux, où il y a un esthétique de qualité. Le crush qu'on entend quand on coupe le fruit frais. Voilà. Vraiment, c'est un délice. Bourgeon en entrée, en plat avec un peu de... Vous voyez la, le fromage de brebis, là, la feta, pastèque feta, et c'est tout. Oh là là. Et des petites tomates. Et c'est très, divin. très bon. C'est et c'est très nourrissant. C'est non, une entrée vous nous avez ramené, en or. Vous nous avez ramené du melon avec une petite chiffonnade de jambon. Ah voilà, c'est le melon avec, ah, oui, avec une chiffonnade de jambon. Ça doit être trop bon. Et c'est bon pour l'esprit, tout ça. Hein. Et pour les croyants qui ne peuvent pas. Quelques noix, hein. Et puis quelques raisins secs en accompagnement. Voilà. Et parfois, on est tellement content qu'on n'a plus faim pour manger la suite. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est donc vive la pastèque. La pastèque. Et on a les grenades aussi qui sont très grenades. Intéressantes. Oh là là. Et qu'on là peut là mettre les grains dans Dieu. Les salades. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Et salade avec du melon, des grenades, alors et de la salade. C'est bien rappelé. Qu'est-ce que c'est bon. Un peu de. Donc, nous sommes en été. Vinaigre. Je vous encourage à manger des melons, des pastèques, des grenades. Oh. Et en dessert, une des bonne. Vinaigre de framboise. Un bon abricot ou une bonne pêche. Ah parce oui. que tout ça, ça donne la pêche. Et hein. les cerises. Et les boîtes cerises. D'eau fraîche. Et les fraises, et les framboises, et les mûres, et les myrtilles. Et vive la santé alimentaire. Et comme boisson, je vous conseille la meilleure boisson du monde. Du jus de gingembre. Un cocktail de fruits. Non, du jus de gingembre. Le bissap, c'est bon aussi. Ah, c'est délicieux. L'eau. Délicieux. L'eau. Mmh. L'alcool peut donner des l'eau. L'eau est essentielle en ce moment. Il faut commencer à s'hydrater l'eau. Avant d'avoir soif. Voilà. Ouais. L'eau. Aldol, vraiment, on est vraiment très susceptibles, nous, les patients. En plus, avec les médicaments, à la soif, créé par le maïs en boisson. Boive avant par que la ça, soif. C'est la mauvaise bière. Vous m'avez donné faim, docteur. Bon, avec cette parole, la faim. D'un apéro espagnol. Voilà, on va tous prendre l'apéro. Des tapas, un petit verre de vin rouge, oui. Du Beaujolais nouveau. Très, très bien. Il est 18h02, on conclut l'émission. Merci, merci. Les Métanoïaques. 18h02. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, ciao, ciao. Voilà, merci.